Yeah, je sais que je suis loin d'être exemplaire. Yeah, pas les couilles, c'est pas pour plaire. Non, sinon je me perds. Je roule, j'allume en un éclair. Je crache toute ma haine dans mes clairs. Je passe mon temps à fumer de l'herbe. Car, yeah, j'avais rien de facile. J'ai déjà tort pas qu'on me fascine. Yeah, peux rien me fascine. J'ai pas d'une photo qui me bassine. Vas-y, meurs facile. Je rejoins, je tire et je me vaccine. Ça fait pas, je connais mes racines. Tout va bien, je conduis la machine. Encore moi qui va le faire. Qui va s'occuper de mes affaires? Sonne, père, je suis seul, quand gère. Je fais mon bis, je gère. Je gère. Moi je ne pense qu'à faire du feu, bis. Yeah. Tous ces bâtards sont remplis de ce bis. Right. J'ai l'esprit merdi. Je vais je roule un custy. J'ai vu des queflis. J'ai ma bonne se cacher dans le puzzle. Yeah. J'allume en deux bis. Yeah. Et je fais du feu, bis. Yeah. Tous ces bâtards sont pleins de bis. Right. J'ai l'esprit merdi. J'ai la même tétière depuis petit. Yeah. J'allume des cutties du lundi au vendredi. Si. Et même en fin de semaine, yeah, j'ai sur 7 roule joint de pollen. Pour évacuer car j'ai plein de problèmes. Yeah. En vrai, je suis qu'un homme, tu sais. Tu sais. Et parfois la race, tu mets les connes, tu sais. Tu sais. Et moi, j'attends rien, faut que je donne, tu sais. Non, mais il est déjà faut que je dorme. J'ai juste moi noué dans l'abdomen. Yeah. Yeah. J'ai versé des larmes. Ouais. Donc, mon cœur est sec, y'a que le blé qui me charme. Yeah. Yeah. J'allume un zère, majeur en l'air, sans commentaire. J'fume mes janterres, j'fuis les enfers, j'suis légendaire. Moi je ne pense qu'à faire du feu, bi. Yeah.